Chapitre 27e, mardi 23 avril. Le bruit court que le sultan des Tolba est en fuite depuis cette nuit. Il était roi éphémère, un peu en dehors des murs, dans sa ville improvisée en toile blanche. À la porte de sa tente, il avait un simulacre de batterie de gros canons, imité avec des morceaux de bois et des roseaux. Il était, avec plus de dignité, quelque chose comme au Moyen-Âge notre pape des fous. Dans l'université de Fès, conservée telle qu'elle depuis l'époque de la splendeur arabe, c'est un usage séculaire que chaque année, aux vacances du printemps, les étudiants font 10 jours de grandes fêtes, se choisissent un roi, lequel achète son élection, aux enchères, avec force pièces d'or, s'en vont camper avec lui dans les champs au bord de la rivière, puis rançonnent la population de la ville pour pouvoir chaque soir se griser de musique, de chants, de couscous et de tasses de thé. Et c'est avec une soumission souriante que les gens se prêtent à ces amusements-là. Ils viennent tous, les vizirs, les marchands, les hommes de métier, par corporation et bannière en tête, visiter le camp des Tolba et apporter des présents. Et enfin, vers le 8e jour, le sultan en personne, le vrai, vient aussi rendre hommage à celui des étudiants qu'il reçoit à cheval, sous un parasol comme un calife, et le traite d'égal à égal, l'appelant « mon frère ». Ce sultan des Tolba est toujours quelqu'un des tribus éloignées, qui a une grâce suprême à demander pour lui-même ou pour les siens, et qui profite pour l'obtenir, de ce tête-à-tête unique avec le souverain. Aussitôt après, de peur qu'on ne la lui reprenne, de peur aussi de représailles de la part des gens qu'il a fait bâtonner pour de bon, une belle nuit, clandestinement, il disparaît, ce qui est très facile au Maroc, à travers les campagnes désertes, il se sauve dans son pays. À la fin de ces jours de liesse, les étudiants rentrent à Fès. Ceux qui n'ont pas terminé leurs études reviennent habiter leurs cellules de travail, dans ces espèces de cloîtres étrangement pauvres qu'on appelle des médersas et qui sont, du reste, des lieux presque saints, interdits aux fidèles. Le sultan leur envoie là un pain par jour à chacun et c'est presque tout leur ordinaire. D'autres aussi reçoivent l'hospitalité chez des particuliers. Il est très méritoire pour une famille de loger et de nourrir un tolba. Tout le jour, ils vivent dans les mosquées, surtout dans l'immense Karouin, accroupis pour écouter les cours des savants professeurs ou agenouillés pour dire des prières. Ceux qui, après 7 ou 8 ans d'études, ont obtenu leur brevet de lettré et de marabout, retournent dans leur pays entourés d'un haut prestige. Comme je l'ai dit, ils sont quelquefois venus de très loin, ces tolbas de Karouin. Ils sont accourus des 4 vents de l'islam, attirés par la renommée de cette sainte mosquée qui renferme, paraît-il, dans sa bibliothèque, des livres sans âge et sans prix, accumulés là durant la grande époque arabe, apportés d'Alexandrie ou enlevés dans les couvents d'Espagne. Et lorsqu'ils s'en retournent dans les contrées éloignées d'où ils étaient partis, ils sont devenus des prêtres enclins à prêcher la guerre sainte. Ils ont pris la rose dans l'impénétrable mosquée. C'est Karouin qui donne le mot d'ordre farouche à toute l'Afrique musulmane. Elle est dans le Maghreb comme un centre d'immobilité et de sommeil. Parmi les sciences enseignées à Karouin figurent l'astrologie, l'alchimie, la divination. On y étudie les nombres talismaniques, l'influence des étoiles et des anges, et d'autres ténébreuses choses qui sont momentanément disparues du reste de la terre, jusqu'au jour peut-être où, sous une autre forme, dégagées de leur merveilleux, elles y reparaîtront, triomphantes, comme l'au-delà de nos sciences positives. Le Coran et tous ses commentateurs y sont longuement paraphrasés. De même, Aristote et d'autres philosophes antiques. Et à côté de tant de choses graves ou arides, d'étonnantes miniardises de style, de diction, de grammaire, des subtilités du Moyen-Âge que nous ne savons plus comprendre, et qui sont comme ces dessins si cherchés et si frêles, recouvrant çà et là les lourds bastions et les grands murs arabes. Et puisque j'en suis à parler de ces élégances surannées, je cite ce début de réponse d'un vizir, ancien élève de Karouin, à un diplomate étranger. « Nous avons porté votre lettre à la connaissance de notre illustre maître. Que Dieu le rende victorieux. Nous nous sommes faits, en lisant, l'interprète de vos sentiments, en accentuant vos paroles avec art, la douceur d'une bonne diction étant plus suave que l'eau la plus limpide, plus subtile que le filtre le plus délicat, dictée par les sentiments les plus affectueux, votre lettre nous a paru aussi agréable qu'un zéphyr rafraîchissant, etc., etc. »